بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم وظنت بأخذ الله تعالى بها لينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Et craignent-ils, ne craignent-ils pas que l'heure leur arrive subitement alors qu'ils ne sont pas conscients ou qu'ils ne s'en rendent pas compte? وَلِقُرْ بِرُفُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَحَقُّقِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ كَغَدٍ قال تعالى وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَالْغَدْ هُوَ مَا بَعْدَ يَوْمِكَ Donc, le chef, il dit que, étant donné que l'heure du jugement est tellement proche, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé comme si c'était demain. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le Qur'an ta'ala, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Eux, ils le voient comme si c'était quelque chose de loin. Ils ne prennent pas en pensant que c'est quelque chose qui est loin. Alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui il la voit proche, il lui c'est pas loin. وروى الشيخان والترمذي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابتين والوسطى. نعم في حديث رفيق البخاري اي مسلم اي الترمذي اي في حديث رفيق اي dans lequel Anas رضي الله عنه il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit moi j'ai été suscité par rapport à l'heure comme ces deux là. Non, mais c'est pour dire que les deux sont collés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais, il est... Non, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans le... Ouais, c'est ça. Karatin. C'est-à-dire, comme ces deux-là, c'est-à-dire, le jugement dernier, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, c'est ça l'espoir qui reste. Donc ça, ce serait, par exemple, tout ce qui est passé auparavant, jusqu'à la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'est ça, qu'est-ce qui reste jusqu'à la fin du jugement dernier? C'est ça qui manque. C'est un exemple incroyable du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustre parfaitement, exactement pour nous faire comprendre qu'est-ce qui manque jusqu'à la vie du jugement dernier. Hein? Subhanallah. Donc, ça c'est un hadith comme on voit, qui est clair. Il a dit ça, il a montré le prophète son index et son majeur, ou, si je me trompe pas, son index et le majeur. Il a montré la différence de longueur entre l'index et le majeur pour montrer que le prophète et leur jugement dernier sont très proches, sont collés l'un à l'autre. Et après, il mentionne le chef un autre hadith, qui est Sahih al-Bukhari, an ibn Umar, radiallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qal, innama ajalukum في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى المغرب إلى مغرب الشمس. وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. Donc, le chef, il dit, dans il rapporte un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Omar. Et, donc, il dit le hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'est-ce qui vous reste, par rapport, qu'est-ce qui reste à votre, à la Ummah, comme, avant son terme, c'est-à-dire avant la fin du monde, par rapport aux autres nations qui vivaient avant, c'est comparable à la prière de l'Asr jusqu'au Maghreb, jusqu'au coucher du soleil. Donc ça veut dire qu'il nous reste juste peu de temps de la journée. Comme si tu vois une journée, il y a l'Asr, et après c'est le Maghreb, ça y est, c'est fini. Donc il nous reste peu de temps par rapport au reste de la journée. Et c'est ça qu'il dit le chef dans le, il mentionne le nom de l'Asr, لما كان أمر الساعة شديدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأمراتها، وأخبر عما يأتي بين يديها من الفتن، ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لذلك. أما وقت مجيئها فهو مما انفرض الله تعالى بعلمه وأحكاه عن العباد لأجل مصلحتهم، ليكونوا على استعداد دائما كما أخفى سبحانه عن كل نفس وقت حلول أجلها لتكون دائما على أهبة الاستعداد والانتظار وتتكاسل عن العمل. Donc, le chef il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le chef il dit, étant donné que l'heure du jugement est une chose qui est difficile et dure, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une importance, une grande importance, et il a accordé à ce sujet-là donc beaucoup d'attention, et il a rappelé beaucoup de choses à son sujet. Inch'Allah, Saranaz. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc, à cause de ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a beaucoup parlé, et il a clarifié ses signes et les choses qui viennent, qui annoncent sa venue, l'avenue du jugement dernier. Et il a expliqué ce qui allait arriver auparavant, avant la fin du monde, c'est-à-dire toutes les tourments et toutes les épreuves et toutes les difficultés qui vont arriver dans la fin des temps. Et tout ça, c'est dans le but de nous avertir et de nous prévenir, la Ummah et toutes ces choses-là. Et le Cheikh, il dit par la suite, en ce qui concerne l'avenue, c'est-à-dire quand est-ce que l'heure du jugement va arriver, ça c'est quelque chose que Allah a caché à sa création et à ses serviteurs dans le but de les protéger pour leur bien. Parce que le Cheikh il dit, c'est pour qu'ils soient toujours prêts. Comme Allah a caché à chaque individu l'heure de sa mort, et c'est la même chose, il a caché l'heure du jugement dernier. Et ça c'est pour que quelqu'un reste toujours dans l'attente et qu'il ne soit pas paresseux de compléter les actes qu'il doit faire. Parce que si quelqu'un est, il sait déjà quand c'est un jour qu'il va mourir, ou si quelqu'un sait l'heure du jugement dernier, eh ben, la personne va dire, oh, j'ai le temps de me repentir, je sais que j'ai jusqu'à telle heure à vivre, ou tel jour à vivre, ou telle année, donc je peux continuer à vivre dans le haram, et puis, quand mon heure va arriver, bon, je vais me repentir, et puis, je vais cesser de faire des péchés. Excepté que la réalité c'est pas comme ça. Personne ne connaît l'heure de sa mort. Et c'est pour ça que on doit toujours faire attention. Parce que le prophète Rasul nous l'a averti. Il a dit qu'il y a des gens qui vont faire des œuvres, des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis que la longueur d'un bras. Et puis, qu'est-ce qu'Allah ta'ala lui a destiné va prendre le dessus, et puis il va entrer. Il va faire les œuvres que les gens de l'enfer, et puis il va entrer en enfer. Et la même chose pour les gens qui vivaient en train de faire les actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il reste entre eux et l'enfer la longueur d'un bras, et ils commencent à faire les œuvres des gens du paradis, et puis qu'est-ce qu'Allah leur a destiné en le dessus, et ils rentrent au paradis. Donc c'est pour ça que toujours rester en sincérité, toujours avoir la crainte de savoir que il faut faire attention, puisqu'on ne sait pas quand la mort peut nous arriver. Et le prophète Salah nous disait, il dit souvent une de l'amal ou de l'khawatim. Les actions, qu'est-ce qui compte au sujet des actions, c'est la fin. Comment tu termines ta vie? Si tu as fait toute ta vie dans la piété, puis par la suite, tu commences à te détourner du bon chemin avant de mourir, et là tu meurs comme ça, c'est comme ça que tu vas rencontrer Allah. Qu'est-ce que tu as fait à la fin de ta vie? Donc, par exemple, quand on voit, c'est comme j'avais donné l'exemple même déjà, si quelqu'un jeûne toute la journée, ok, on va dire que les stars c'est à 9h le soir, Maghrib c'est à 9h, puis là tu dois jeûner. Puis là il te reste 15 minutes, puis là tu commences à manger, tu dis, ah, j'en peux plus, je mange. 15 minutes avant le coucher du soleil. Tout ce que tu as jeûné dans cette journée-là, tu as perdu la récompense parce que tu n'as pas été capable de garder ta patience jusqu'à 15 minutes plus tard. Donc la vie du Sibassé, la même chose. Peut-être que Allah Santara, il te teste, il te met des épreuves, peut-être qu'il te reste 15 minutes à vivre, c'est ça. Peut-être qu'il te reste une heure à vivre. Et là, tu abandonnes quelque chose et tu commences à suivre tes passions et tu dis, ah, j'en peux plus, je suis fatigué, je prends un break, ou bien je me laisse aller. Et puis là, c'est là que tu meurs, et puis là tu dis après, avec des regrets, tu dis, mais si j'avais été patient juste 15 minutes, peut-être que Allah SWT m'aurait libéré, m'aurait protégé, m'aurait fait entrer dans les gens, avec les gens du bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder toujours ça en conscience et puis essayer de faire attention à ça. Et puis aussi, on voit que parfois, ce hadith-là, qui dit « Innama al-a'malu bil khawatim », ça s'applique aussi même aux ulama de l'islam. Par exemple, on dit toujours que ce qui compte pour les ulama, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin de leur vie. C'est leur dernière position qu'on prend en considération. D'accord? Donc, par exemple, il y a des ulama qui ont vécu dans leur vie, qui ont fait beaucoup de bid'a, des choses qui sont pas correctes. Puis à la fin de leur vie, ils ont fait le tawba et puis ils ont écrit des livres pour expliquer que ça y est, moi je suis maintenant sur la voie de Al-Sunnah al-Jama'a, je suis la Sunnah. Comme par exemple, Abu al-Hassan al-Ash'ari, toute sa vie, 40 ans de sa vie, il a vécu dans la bid'a des Ash'ari, la bid'a des Mu'tazila, 40 ans environ. Puis, par la suite, il a quitté cette secte et puis il a suivi un autre qui s'appelait Muhammad Al-Kullab, si je ne me trompe pas, Al-Kullab. Donc, lui, c'était un gars, c'était un cheikh, il n'était pas salafi, il ne suivait pas les Ahl-Sunnah complètement, il suivait dans certains aspects, mais dans d'autres aspects, il utilisait les méthodes des Ahl-Kalam, c'est-à-dire les gens qui utilisent la philosophie pour discuter au sujet des attributs d'Allah. Et c'est cette période-là, lorsqu'il suivait Ibn Kullab, c'est cette personne-là, c'est cette partie-là de sa vie, ou cette période-là que les gens suivent aujourd'hui. Ceux qui se disent Asha'ira, c'est cette période-là qu'ils suivent. Ils prétendent suivre l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, alors qu'en réalité, ils suivent Al-Kullab. C'est pour ça que beaucoup d'ulama disent Al-Ash'ariya, Al-Kullabiya, pour distinguer entre Al-Kullabiyya et Al-Ash'ariyya. Parce que par la suite, l'imam Al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il a fait tawba, il s'est repenti. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana, fi Usul al-Diyana, dans lequel il a clarifié que sa aqida, c'est la aqida de l'imam Ahmad, la aqida de l'imam Ahl-Sunnah al-Jama'a, et qu'il avait rejeté toutes les positions qu'il avait auparavant. D'accord? Donc, étant donné que maintenant on a la preuve que le chef a fait tawba, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Ça compte plus. Qu'est-ce qui compte? C'est uniquement qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir. D'accord? Ou qu'est-ce qu'il a fait avant de mourir. La même chose pour, par exemple, des ulama qui, actuellement, par exemple, comme le chef d'une base, rahimahullah, qui est décédé il y a pas longtemps, des fois, il y a des gens de bid'a et ils essaient d'utiliser certaines fatwas anciennes du chef d'une base, par exemple, ou s'il y a des groupes comme le Jama'at, comme le Jama'at Tablir, ou Ikhwan al-Muslimin. Au début, il avait une position selon ce qu'il avait de connaissances sur ces gens-là. Par la suite, à la fin de sa vie, juste avant de mourir, bon, il a commencé à comprendre plus de choses au sujet de ces groupes-là, et il a pris des positions claires, et il a montré aux gens que, ou ils ont expliqué aux gens que ces gens-là sont des gens de Bédar. Et là, les gens de Bédar utilisent ces premières fatwas qui avaient été faites au tout début, et puis ils laissent tomber les dernières fatwas que le chef a fait avant de mourir. Et ça, c'est une erreur. Parce que on regarde toujours les positions qu'une personne a prises à la toute fin, et pas celles qu'il a prises au début. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est important de prendre en considération. C'est un point que j'aimais mentionner pour rattacher ça au sujet. Après, le chef, il continue, il mentionne une citation d'un des ulama, al-Safarini, qui a écrit une aqida, c'est aussi l'imam al-Safarini, il dit, قال العلامة al-Safarini, ثم اعلم ان اشراط الساعة وامراتها, ان اشراط الساعة وامراتها تنقسم الى ثلاثة اقسام, قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية ظهر والقسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة وهي تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. Donc l'âme al-Safarini, il divise les signes du jugement dernier en trois catégories. La première catégorie, ce sont les signes qui sont arrivés depuis très longtemps et qui sont terminés. C'est-à-dire ils se sont passés dans le passé puis ça y est, c'est fini. Se sont plus reproduits. D'autres signes qui se sont produits, qui ont commencé à se produire il y a longtemps et qui continuent encore aujourd'hui à se produire mais en augmentant de plus en plus. Et d'autres signes, qui est la troisième catégorie, qui sont les signes qui sont très très proches de la fin du monde. C'est-à-dire très proches, les derniers signes, les grands signes. Pardon? Oui, c'est ça. On va les mentionner, Inch'Allah. وتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. Elles se suivent comme les perles d'un collier qui ont toutes leurs cordes, elles tombent toutes une après l'autre. Donc c'est comme ça qu'elles se suivent. Le chef est dit فالأولى يعني التي ظهرت ومضت وانقضت. Donc il va mentionner chaque exemple, chaque catégorie avec des exemples. Donc la première catégorie, celles qui sont apparues et qui sont terminées, qui ne sont pas reproduites par la suite, c'est منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. La naissance du prophète صلى الله عليه وسلم et sa mort. C'est un signe du jugement dernier. فتح بيت المقدس. La conquête de بيت المقدس, c'est-à-dire la mosquée en Palestine. منها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه أول الفتن قتل عثمان. فهو سيستين لا مرض عثمان بن عفان جتاله لرجال الخيان أمير المؤمنين لخليفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. La première fitna, c'est la mort de, ou le meurtre de Othman, le fait qu'ils vont tuer Othman. Zakar al-Safarini, al-Safarini, minha ashhur al-hurub. Ashhur al-hurub, allati waqa'at bayna al-muslimin ba'da zalika, wa zuhur al-sirat al-dalla, kal-khawarij, wal-rafida, thumma qala, wa minha khuruj kazzabin, dajjalin, كل منهم يدعي أنه نبي. Donc, Al-Safarini, il mentionne les plus importantes guerres qui se sont produites entre les musulmans par la suite et l'apparition des sectes égarées comme Al-Khawarij, Al-Khawarij et les Rafida, les sectes qu'on appelle Rafida. Non, mais il n'y a pas un nom, mais ça, c'est juste ouais, une énumération, puis ça c'est un point qu'il mentionne entre la, celle qu'on vient de mentionner, puis la prochaine qui s'en vient. Donc il dit, parmi les signes, c'est le fait que des faux prophètes vont apparaître. Et chacun d'entre eux vont se prétendre être des prophètes. Et il dit, Dajjal, c'est un faux prophète. Donc, il y en a plusieurs qui vont apparaître des Dajjal. Mais ils ne seront jamais comme le dernier Dajjal qui est Al-Masih al-Dajjal. Le dernier. Et Kazzaboun, il y en a des menteurs. Des inventeurs de mensonges. Wa minha zawanu mulki al-Arab. Rawahu al-Tirmidhi. Le fait que la royauté ou le pouvoir va être enlevé des mains des Arabes. Parce que les Arabes qui sont dirigés. Ça, c'est un signe de la preuve du jugement dernier. Et منها كثرة الزلازل والخطف والمسخ والقذف وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة فظهر ومضت القدر. Parmi ces choses-là, c'est les tremblements de terre et les éclipses. Et le fait que certains ont été transformés en singes, en porcs, et des choses de ce genre. Des humains, oui. Ils ont été transformés en singes et en porcs. Est-ce qu'il y a des chefs? Mais ici, il mentionne le masque. C'est ça, l'habitude, c'est le fait qu'Allah a changé certains parmi les milieux chrétiens en porc et en singe. C'est écrit dans le Coran aussi. C'est-à-dire, à la même chose, on oui, ça faisait partie des premiers signes. Par la suite, il dit qu'il y a une autre catégorie qui est les signes intermédiaires, et ces signes-là, c'est les signes qui sont apparus, mais qui continuent à augmenter. Les signes qui sont apparus, mais continuent à augmenter de plus en plus. Et ils sont nombreux. Parmi ces signes, le chef, il mentionne, il dit, منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا نكاع بن نكاع رواه الإمام أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث حذيفة رضي الله عنه والنكاع العبد والأحمق واللئيم والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس. Donc, le chef dit que l'heure ne viendra pas tant que les hommes les plus heureux dans cette dunya seront le cas et le cas. Lukar, fils de Lukar. Et ça a été rapporté par Imam Ahmad et Al-Tirmidhi et Abdiya Al-Muqdisi selon les rapports de Khurbaïsa radiallahu anhu. Et le chef dit que Al-Mukar, ce que ça veut dire, c'est l'esclave ou la personne stupide ou la personne qui n'a pas de bonne manière ou des choses comme ça. Et la signification, c'est que l'heure du jugement n'arrivera pas jusqu'à ce que ce soit ces gens-là qui deviennent les chefs parmi les hommes. وأن ترى الحرفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فالبسيطي هو أخر نبيك هو أخر نبيك وأن تلد الأمة ربكها l'esclave qui va élever, ça c'est proche quand même dans la signification, parce que c'est un des signes aussi du jugement dernier que le prophète a mentionné, que la servante va enfanter sa maîtresse, Il y a eu différentes interprétations de ça. Oui, c'est ça, si tu veux. Le cas. Non, dans ce sens-là. Donc, من الأمارات parmi les signes, قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصبر فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, il va arriver à une époque où il va arriver chez les hommes ou parmi les hommes à une époque où la personne qui va être patient ou endurant dans sa religion, il va être comme celui qui ferme sa main sur un charbon ou une braise ardente, comme une braise en train de brûler. Et c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de celui qui va s'accrocher à sa religion dans une certaine époque. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement de fitna, tellement de toutes sortes de différentes épreuves difficiles pour les musulmans. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est très difficile pour beaucoup de musulmans de s'accrocher à l'islam. Donc on a l'impression que c'est comme si on est en train de s'accrocher à un charbon ardent. Et plus on ferme la main, plus on se brûle, parce que c'est très chaud. Par la suite, un autre exemple que le cheikh mentionne dans notre hadith, il dit « La taqoum al-sa'a hatta yakabaha al-nas fil masajid » رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان عن أنس رضي الله عنه في حديث رسول الله أنس selon الإمام أحمد et أبو داود et ابن ماجة et qui dit que un des signes de la fin des temps, c'est-à-dire l'heure ne viendra pas tant que les gens vont commencer à compétitionner dans l'embellissement des mosquées. Donc tu vois par exemple un dirigeant ou un roi dans un pays, il se bâtit une belle mosquée, une grande mosquée pleine de décorations, pleine de marbre, plein de choses, et là l'autre il dit bon, lui il a fait ça, moi je dois faire une plus grande que lui. Et là il va, il construit une autre, il a plus de décorations que la première et tout. Hein? Oui, effectivement il y a une mosquée je pense au bord de la plage. Ah oui, et c'est comme un musée à l'intérieur. Oui. Mais là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? C'est possible, mais ça là, c'est mon frère, les gens de nos jours maintenant, ils portent très, beaucoup d'importance sur la forme, mais peu sur le fond. Donc, si on regarde comment était la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que je disais la dernière fois. Si on regarde la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les murs étaient en terre, et le toit était avec des palmiers, des feuilles de palmiers, et que les gens, parfois quand ils pleuvaient, se prosternaient dans la boue. Donc on voit que, subhanallah, aujourd'hui, nos mosquées sont très bien, sont très belles, décorées. Ici, mashallah, alhamdoulilah, il n'y a pas trop de décoration, on peut dire que c'est simple, d'accord. Mais il y a d'autres mosquées, comme vous allez dans les mosquées de Sophie, ou d'autres mosquées, et il y a des calligraphies, des dessins en or, et du marbre partout, et puis tu rentres, on dirait que tu ne peux pas te concentrer dans ta prière comme il faut, parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de belles choses qui te dérangent. Même les tapis, c'est rempli de dessins dans les tapis, des sortes de formes, de ça, donc tu te dis, subhanallah, on dirait que tu es plus intéressé ou plus concentré à regarder les motifs du tapis que à réellement se concentrer dans ta prière. Et lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il priait dans un vêtement, et il y avait des lignes sur le vêtement, et il l'a enlevé, après la prière, il l'a enlevé, il a dit, ce vêtement m'a déconcentré dans ma prière. Donc, imaginons ça par rapport à ce qu'on voit de décoration dans beaucoup de mosquées. Et les gens ont pensé que le fait de faire toutes ces décorations dans les mosquées, ça montre une sorte d'élèvement de l'islam ou des choses comme ça, oui, pour glorifier Allah ou glorifier l'islam. Donc si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas interdit ou n'aurait pas mentionné que c'est quelque chose de mal qui va arriver dans la fin du temps. Et il y a des hadiths qui mentionnent que c'est contraire à la sunna de faire ça, c'est-à-dire de décorer trop les mosquées, de l'exagérer là-dedans. Donc c'est mieux que la mosquée soit simple et qu'il n'y ait pas trop de décoration. Comme il y a des gens qui insistent pour que le nom d'Allah soit écrit et le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit écrit dans la mosquée. Et il y a même une mosquée où je suis allé chez les soufis une fois, lors de la prière, c'est arrivé. Et puis je devais aller près, donc on passait sur Jean Talon tout près de parc extension. Il est rentré, et puis c'est au deuxième étage, et puis là tu vois c'est marqué. C'est marqué, la plupart c'est du Bangladesh, pakistanais. Mais sur le mur c'est marqué Ya Allah en grand, et juste à côté c'est marqué Ya Muhammad. Ya Allah, Ya Muhammad. Oh Allah, ça c'est cher quand on parle déjà. C'est-à-dire que tu dis Ya Allah, Ya Muhammad. Allah s'est dit dans le Coran, Wa anna al-masajid lillah, fala tad'u ma Allah ahada. Les mosquées appartiennent à Allah, alors n'aime aussi personne donc dans les mosquées avec Allah. Comment tu dis Ya Allah, Ya Muhammad. Donc, ça c'est des exemples, comment les gens s'éloignent. Et lorsque des gens parmi ces gens-là sont venus dans une mosquée où il n'y avait pas de décoration, ils ont dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas le nom d'Allah ou le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les murs? Est-ce que vous n'aimez pas Allah? Vous n'aimez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, on peut leur demander, subhanallah, et est-ce que les sahaba n'aimaient pas Allah et n'aimaient pas son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors pourquoi eux, ils n'écrivaient pas ces choses-là sur les murs des mosquées? Donc, la question de l'amour et comment l'exprimer envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en suivant sa sunna. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si c'est que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez mon exemple. Suivez-moi. فاتبعوني يحببكم الله. Allah va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Dans un autre exemple, par la suite, le cheikh dit, وقوله ويكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة وفي لفظ فساق رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس رضي الله عنه ومنها يرى الهلال نعم. Donc le cheikh il mentionne ce hadith, il dit que vers la fin des temps il y aura des adorateurs ignorants et des savants pervers. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit que là, la fin du temps, on va voir ça, et ça, c'est la réalité. Les gens qui se limitent uniquement à l'adoration, qui se concentrent, qui s'intéressent pas du tout à la science islamique, ou d'étudier la religion comme il faut, juste à prier, jeûner, et faire des ibadat, mais ne connaissent pas l'islam, les règles de l'aqidah ou de fiqh, ou d'autres choses. Et ça, ça a été expliqué aussi dans le hadith de la personne qui avait tué 99 personnes. Vous connaissez le hadith de la personne, l'homme qui avait tué 99? Ouais. Donc, il avait tué 99 personnes, et il est allé voir un abid, une personne qui adore Allah, sauf qu'il n'a pas beaucoup d'ilm. Alors, il lui a demandé, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi de me repentir? Et la personne, l'abid, adorateur, elle est pieuse, sauf qu'il n'a pas d'ilm. Alors, il a dit non, toi, t'as pas de tawba. Alors, il a compliqué ça avec lui. Il l'a tué lui aussi. Puisqu'il n'a plus de tawba, il n'y a plus de repentance. Alors, il n'y a plus rien pour l'empêcher de continuer, puisqu'il n'a plus d'espoir. Donc, un de plus, un de moins, ça va pas le rapprocher de la repentance. Alors, il se dit, tant pis, et il l'exécute, il le tue. Il continue son chemin, il rencontre un savant. Sous son chemin, il lui dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que j'ai une repentance? Est-ce que je peux me repentir? Il a dit oui. Acceptez que tu dois aller, il y a un endroit pour, où les gens adorent Allah. Alors, si tu veux te repentir, pars et va les retrouver et adore Allah avec eux. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est parti et en route, il est mort. Donc, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont rencontrés et ils ont commencé à se discuter qui est-ce qui va le ramasser. Et les anges du paradis, les anges de la miséricorde ont dit, mais il était dans le chemin vers la repentance. Et les anges du châtiment ont dit, oui, mais il avait tué 100 personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit, on va calculer la distance qui le séparait de là où il était et de là où il s'en va, et puis celui qui était le plus proche, lequel des deux était le plus proche, et bien on va les mettre dedans avec ces gens-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la terre que, entre lui et la repentance soit plus courte. Et donc, il a rapproché la distance et il est rentré au paradis. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, ça c'est l'exemple des gens, et Al-Qurra, Al-Fasaqa, des gens, ils ont étudié la religion, ils connaissent l'islam, mais ils font toutes sortes de choses contraires à l'islam. Et puis, subhanallah, ils font des fatwas, peut-être même pour rendre halal ce que Allah a rendu haram. Et ça, il y en a beaucoup de nos jours comme Qardawi ou d'autres. Moi, c'est toujours Qardawi qui vient dans ma tête, à chaque fois. Parce que c'est le meilleur exemple que je peux trouver à chaque fois, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, comme lui là, de sa catégorie, ou d'autres qui sont derrière lui, c'est-à-dire qui le suivent, ou bien, Haroun Yahya, il n'est pas aussi connu que Al-Qardawi, et puis, il n'a pas le même poids chez les gens, la plupart des gens, ils voient Qardawi plus haut parce qu'il a des cours sur sa tenue. Non, mais je veux dire, dans le sens qu'il a un compte sur la société, tout le monde peut accéder à ses affaires. Là. C'est pas un savant, Haroun Yahya, c'est pas un savant. Non. Ouais. Ouais, mais il est bien à Montréal déjà, Haroun Yahya, c'est un Turc, je pense, il parle français. Ouais. Lui, il a des idées soufiennes, et puis, il se concentre sur Tawhid al-Rububiyya. Il ne parle pas de Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat, comme on l'a expliqué la dernière fois aussi, il y a des Jama al-Tablir. Donc, c'est un peu comme Zindani, Abdelmajid Zindani, c'est un Ikhwani aussi. C'est un pharmacien, Cheikh Mokhdem, il aime beaucoup le réputé. Et Cheikh Moukbel, il dit, subhanallah, c'est pas un alim, c'est un pharmacien. Et puis, il faut pas que vous croyez que c'est un savant, c'est juste un pharmacien. Et il a écrit son livre, Kitab al-Tawhid. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'erreurs. Il se concentre uniquement sur le Tawhid al-Rububiyya. Il n'explique pas le shirk, c'est l'ibada, et les choses de ce genre-là. Donc, ça c'est Haroun Yahya, c'est un autre. Et il a la même chose, c'est les miracles du Coran dans la science, la science dans le Coran, les miracles de la science dans le Coran, essayer de prouver qu'il y a des signes scientifiques dans le Coran. Bon, c'est vrai peut-être, bon, la chose de Mayana, sûrement quelques-uns dont il parle, qui est vrai, mais c'est pas une raison de faire baser toute une da'wa sur cette région-là. Et encore là, il y a des interprétations, là. Hein, c'est juste des interprétations. Mais il y en a parmi ces gens-là, il y en a comme par exemple Maurice Bucaille. Le livre, le Coran, la science, le Coran et la Bible, la science et le Coran, si vous lisez le livre, subhanallah, il y a des choses de coffre dedans, des paroles de coffre à la fin. Dans la section des hadiths. Il est dans la section qui parle de la Bible, il mentionne beaucoup de choses qui sont bonnes, et puis qui montre des erreurs dans la Bible, mais aussi, même dans au sujet de la Bible, des fois, il dit des choses qui, il essaie de nier certaines choses dans la Bible qui sont affirmées des fois dans le Coran. Et dans le Coran, il essaie de nier certaines choses qui sont affirmées clairement, et de les réinterpréter d'une autre façon. Et aussi, en ce qui concerne les hadiths, mais, il les nie carrément. Si c'est pas en accord avec ce qu'il considère être la science, il les rejette. Donc ça, cette attitude-là vis-à-vis des hadiths, c'est pas l'attitude de Ahl-Sunnah. Ahl-Sunnah al-Jama'a, il accepte le hadith si il est authentique. Et si on n'arrive pas à comprendre sa signification, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de comprendre la signification d'un hadith, on ne le lit pas. On l'accepte tel qu'il est. D'accord? Tandis que eux, ils le rejettent, ils essaient de le mettre des doutes. Parce que beaucoup de ces choses-là ont rapport avec Al-Ghayb. C'est-à-dire des choses de l'invisible. Des choses qu'on ne peut pas comprendre dans le monde matériel. Donc, si tu essaies de les interpréter ou de les nier, tu nies quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Comme essayer de parler d'Allah ou du paradis ou de l'enfer. Et de parler, de comprendre ça de façon scientifique, comme les gens de Bédard ont fait parmi les autres, ils se sont déviés à cause de ça, ils n'ont pas respecté la limite dans l'œuf, par exemple. Donc, sur ce point-là, il faut faire attention et prendre garde aux mauvais ulama ossou, comme on les appelle, ulama ossou. Et en même temps, il faut comprendre aussi qu'il faut respecter aussi ulama al-haq, c'est une vraie ulama d'Ahl-Sunnah al-Jama'a, salafiyoun, les ulama qui appellent les gens à le tawhid, qui éloignent les gens du shirk, et qui leur clarifient qu'est-ce que c'est la sunnah, et qu'est-ce que c'est la bid'a, et qui clarifient les fondements de l'islam, qui insistent sur al-hadith, qui suivent al-hadith, et al-hadith. Okay? Donc ça, c'est les ulama al-haq. Ils rendent haram qu'est-ce qui est haram, ils rendent halal, qu'est-ce que c'est halal, et ils clarifient les musulmans la réalité de leur religion. Et ce sont ceux qui craignent Allah SWT. Par la suite, le Cheikh dit « Minha an yura al-hilal sa'ata yatla'u fa yuqalu lil laylatayn l'intifahihi wa kibarihi wa rawa ma'nahu al-tabarani » عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي لفظ من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة بالخاء المعجمة أي عظمها روية بالجيم وروية بالجيم. Donc ça c'est un hadith qui dit que vers la fin du temps le hilal va apparaître mais il va être comme gonflé ou plus gros que sa réelle grosseur. C'est comme si quand on va le regarder, on aura l'impression qu'il est plus gros que sa grosseur réelle. Le croissant de lune. Je m'excuse. Donc, ça c'est un des signes. Et ça m'est arrivé des fois de voir, de regarder la lune à certains moments, puis de voir qu'on dirait qu'elle est plus grosse qu'elle. Donc, allez, ça. Ça fait ça souvent. Ouais, c'est. Et on dirait qu'elle est tout près. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. On dirait que c'est pas réel. De prendre les mosquées comme des chemins pour traverser quelque part, pour aller quelque part. Et ça, subhanallah, malheureusement, hein, c'est un des signes des vivants d'années qui est arrivé déjà. Les gens passent par la mosquée comme si c'était un chemin. Ils rentrent par une porte, ils traversent, ils sautent par l'autre porte. Juste pour ne pas faire le tour de la mosquée ou quelque chose comme ça, on passe à travers comme ça. Donc, quand tu rentres, tu veux juste passer. Oui, c'est ça. Non, je sais qu'ils utilisent la mosquée comme des chemins, Et ça à Médine, ça arrive beaucoup parce que la mosquée est tellement grande, pour faire le tour, c'est vraiment long là, tu vois. Donc, ce qu'on fait souvent, on passe à travers. On rentre par une porte et on sort de l'autre côté. Donc, en rentrant, on fait la quatrième, puis on continue. On ressort pour dire qu'on a pas une pensée juste pour passer à travers. Mais c'est grave. Non, tu fais deux racas. Mais peut-être c'est. Ça laisse tout en haut. Ok, ouais. C'est vrai. Donc, ça, c'est pour faire attention. Parmi les signes du mois dernier, c'est ça. On va voir. Il a un cas, il y a un signe du mois dernier que j'ai entendu quand je me suis converti à l'islam. C'est que les gens vont uniquement saluer ceux qu'ils connaissent. Ça, c'est arrivé, ça. Non, ça va. C'est vrai, tu dois répondre. Peut-être qu'il pense que, peut-être, je ne sais pas moi, est-ce qu'il sait que tu es musulman, la personne, est-ce que tu es Oui, c'est ça. Et qu'il lui dit salam. Oui, c'est ça. Non, des fois, il y a des subhanallah ici, là. Souvent, c'est une attitude qu'on retrouve chez beaucoup de gens ici. J'ai des gens, parce qu'on les voit, dans la rue, on les croise, et puis on dit, bon, c'est vrai, on a l'impression, on sent qu'ils sont des musulmans, mais ils ne disent pas salam. Et donc, moi, je me dis, si la personne, elle a une apparence extérieure qui montre qu'elle est musulmane, je lui dis salam alaikum. Mais si la personne, je ne peux pas distinguer, et que c'est juste une question de, bon, tu dis, elle a les traits d'un arabe, toi, tu dis, ah, peut-être que c'est un musulman, ça, c'est pas une preuve. Il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes juifs, Hein? Donc, c'est pas juste basé sur ça. Et la base ici, au Canada, c'est que si on est dans un pays de coffre. Donc, c'est-à-dire, les gens, là-bas, c'est qu'ils sont, là, en général, ils sont des coupards. Donc, tu t'en vas avec cette règle de base. Si tu es dans un pays musulman, tu dis la règle, c'est que tout le monde est musulman. S'il y a un ou quelques-uns qui sont coupards, ça, c'est des exceptions. Mais quand tu prends, par exemple, quand j'étais en Arabie Saoudite, moi, les coupards, moi, ils m'ont raconté. D'accord, Inch'Allah. Voilà comment c'est. Quand on est en Arabie Saoudite, on dit salam à tout le monde. On rentre dans un magasin. Salam alaikum. On marche dans la rue, on voit des gens qui marchent à côté de nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, c'est des étrangers et tout. On rentre dans une place publique, un restaurant, n'importe où. On rentre, salam alaikum. Tout le monde te répond, alaikum salam. Donc, tu sens que c'est dans un pays musulman. Mais ici, yani, subhanallah, même des fois, les musulmans, ils te voient, ils savent que t'es musulman. Ils disent bonjour. Ils disent autre chose. Donc, c'est triste. On est constamment sur toi. Une fois, c'est arrivé que un musulman m'avait dit à l'extérieur, je l'avais rencontré à l'extérieur, et je lui ai dit salam alaikum. Il m'a dit bonjour. Et moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne réponds pas alaikum salam? Il m'a dit, mais assalamu alaikum, ça, c'est quand tu es à la mosquée. Mais quand tu es dehors, tu dis bonjour. Et là, je lui ai dit, mais non, ça, c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un exemple, comment les gens, parfois, sont loin de l'exemple de l'islam. Et aussi, il y a des règles, en ce qui concerne le salam, il y a des règles à respecter, que les gens respectent pas, souvent. Que la personne qui rentre, c'est elle qui dit salam alaikum. Et la personne qui est assise, elle dit alaikum salam. Il y a des règles comme ça, et, ouais, ben, ça aussi, quand quelqu'un dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et tu lui réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si tu dis assalamu alaikum, tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis, donc, plus tu réponds, plus tu as des hasanat. Mais aussi, c'est parce que Allah s'en a parlé dans le Coran, wa iza hubitum bi tahiyyatin, fa hayyu bi ahsanimha, aw rudduha. C'est-à-dire, Allah s'en a parlé dans le Coran, et si on vous salue par un salut, alors saluez-les comme la même chose qu'ils vous ont salué, ou plus, ou meilleur. Non. Donc, le chef est continué par la suite, il dit, il a un parle. ومنها في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. Donc, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a rapporté dans son sahih, selon Anas, radiallahu anhu, qui a dit, est-ce que, ne voulez-vous pas que je vous mentionne un hadith que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous n'allez pas entendre ce hadith de personne autre que moi qui l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiallahu anhu, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a été parmi les sahabas qui ont vécu le plus long, c'est-à-dire qui ont eu une des très très longues vies. Donc, à l'époque où il est mort, il restait très peu parmi les Sahaba. C'est pour ça que Anas dit, je vais vous rapporter ce hadith que vous n'allez pas entendre de personne d'autre que moi qui l'a entendu directement de sa bouche. Donc, il a commencé à dire, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, parmi les signes de l'heure, il y a que la science va être enlevée, le savoir va être enlevé, et l'ignorance va être répandue, et qu'il y aura beaucoup de zina, il y aura beaucoup de fornication et d'adultère. Il y aura beaucoup de gens qui vont boire l'alcool. Il y aura peu d'hommes. Il y aura plus de femmes, beaucoup de femmes. Hatta yakunu li 50 imra'a al-qayyim al-wahid. Il y aura, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jusqu'à ce qu'il reste pour un homme, qu'est-ce qui équivaut à 50 femmes, ou qu'est-ce qu'il y aura pour un seul homme. Il y aura seulement un seul homme qui sera capable, ou qui va être capable de prendre en charge 50 femmes. C'est-à-dire, il y aura 50 hommes pour une femme, c'est ça. Il y aura 50 femmes pour un homme. Oui, c'est ça, je me suis trompé. Il y aura 50 femmes pour un homme. C'est-à-dire, Al-Qayyim, c'est quoi? C'est l'homme qui prend en charge, qui est responsable d'une femme. Al-Rijal, Qawwamuna, Al-Nisa. Les hommes sont les responsables pour les femmes. Donc, Al-Qayyim, c'est ça que ça signifie. Donc, pour 50 femmes, il y aura un Qayyim. Donc, ça veut dire que le nombre des femmes va être très nombreux et il y aura peu d'hommes. Ça, c'est une définition du jugement dernier. Et donc, tous ces exemples-là sont répandus actuellement et continuent. L'ignorance des gens est incroyable aujourd'hui. L'ignorance de l'islam. Les musulmans ignorent l'islam. Les fondements de l'islam, là. Et là, quand on parle à des musulmans, tout le monde dit, oui, on est musulmans, alhamdoulilah. Mais, en ce qui concerne l'ignorance de l'islam, on dit, sans Allah, ce sera souvent. Ce que les musulmans ignorent le plus, c'est les fondements de l'islam. En ce qui concerne ignorer les autres détails ou les autres grands aspects de l'islam, les grandes sciences de l'islam, ça c'est certain que tout le monde peut ou ne pas l'ignorer parce que c'est des aspects qui ne sont pas obligatoires à chaque musulman de connaître. Toutefois, les fondements de la foi islamique, tawhid, et la sunna, et les bases de la sunna et toutes ces choses-là, ça c'est quelque chose que chaque musulman doit connaître. Donc, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma, c'est ça, et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de l'obéir et tout ça, c'est des choses que tous les musulmans doivent connaître, les règles de la salat, comment prier, comment jeûner, tout ce qui est obligatoire dans ta vie de tous les jours, ou dans ta vie, dans ce qui concerne les ibadat, tout ça, tu dois le connaître. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, dans ton entourage, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Ça, tu dois le savoir. C'est obligatoire, mais les musulmans, comme on sait, ils s'éloignent, ils connaissent peu, de gens connaissent ça. En ce qui concerne la zina, on est tous conscients de la réalité, qu'est-ce qui se passe à ce sujet là. La fornication, tout ce qui mène à la fornication. Que le prophète Allah s'il dit pas dans le Coran, ne fait pas la fornication, ne fait pas l'adultère, mais il dit, voilà, taqrabu zina. Ne vous approchez même pas. Donc, tout ce qui peut t'y amener, c'est haram. Et ça fait partie de cette zara'a. De fermer toutes les portes à quelque chose qui peut t'amener à un péché. Voyez-vous, le khamar, de boire l'alcool. Et aussi, l'alcool, il peut avoir plusieurs noms. Et donc, peu importe son nom, c'est de l'alcool. La bière et les autres noms, là, c'est les gens, non? C'est pas du khamar. Ouais, c'est ça. Mais l'alcool, c'est de l'alcool. Et ça, c'est un des signes du jugement dernier aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens boiront l'alcool et ils vont l'appeler par autre que son nom. Et ça, c'est... Subhanallah, subhanallah. Donc ça, ça fait partie d'une sorte de talbiyah, c'est-à-dire il change la réalité pour pas que les gens comprennent que qu'est-ce qu'ils font c'est haram. Donc il lui donne un autre nom pour l'embellir ou bien pour le rendre halal. Là aussi, en ce qui concerne l'alcool, il ne faut pas oublier aussi que ça rentre les drogues aussi là-dedans. Hein, la marijuana, la cocaïne, les autres drogues qui sont prises par beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est triste parce que c'est répandu dans les pays musulmans, la drogue. Dans certains pays, même la culture et puis la font la trafic. Hein? C'est certains parmi les pays musulmans sont les grands producteurs de certaines drogues dans le monde. Donc ça c'est aussi un aspect de quelque chose qui est haram. Et de le vendre et de l'acheter et de le distribuer, c'est pas seulement de boire l'alcool qui est haram. Beaucoup de musulmans pensent que c'est juste de le boire qui est le péché. Il y en a qui ont il y a des musulmans qui ont des restaurants ou des bars ou bien qui ont des dépanneurs et qui vendent de l'alcool dedans. Et qui disent, mais moi je le vends pas aux musulmans, je le vends seulement aux juifs et aux chrétiens ou aux kuffars en général, et comme les athées et les autres, et puis ils disent, non, ça c'est pas pour les musulmans, mais si c'est haram pour les musulmans, c'est haram aussi de le vendre aux autres, d'accord? Un musulman n'a pas le droit de le vendre à personne, ni un musulman, ni un non-musulman. Et aussi, le fait que tu le vends, le prophète a mentionné dans un hadith, il y a 10 personnes qui ont été maudits au sujet de l'alcool. La personne qui prend les raisins avec l'intention d'en faire du vin et qui les écrase, il est maudit. La personne qui les met dans les tonneaux, qui les pousse, qui les amène au magasin, il est maudit. La personne qui vient, qui le vend, la personne qui l'achète, la personne pour qui il est acheté, tu vois. Donc toute cette série de personnes, jusqu'à 10, que le prophète a maudit, tous ces gens-là qui ont rapport avec l'alcool, qui ont contact avec l'alcool, directement ou indirectement, sont tous sous la malédiction du prophète Mohammed à ce sujet-là. Ce n'est pas seulement le vendre ou l'acheter. Ça, c'est dans un autre hadith aussi, que j'ai mentionné que tu n'as pas le droit de t'asseoir à une table où l'alcool est servi. Hein? Donc si il y a des gens qui boivent à une table, toi tu dois t'éloigner de cette table et tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Pourquoi? Parce que même si tu ne bois pas, c'est une choubha. Les gens pourraient dire que tu bois avec eux. Et puis pas juste ça aussi, c'est que une des meilleures façons de s'éloigner de pas commencer à boire, c'est de pas t'asseoir avec les gens qui boivent. D'accord? Parce que souvent, ça commence de cette façon. L'odeur. Ouais, et puis ça peut venir sur toi. Et la bière aussi, Non, ça c'est vrai, c'est pas neige. Oui, mais par contre l'odeur aussi, des fois comme la bière et tout, elle a une mauvaise odeur. Parfois, une fois par exemple, j'avais fouillé dans les poubelles ou dans quelque chose, pour prendre quelque chose, puis il y avait une bouteille vide de bière, mais il y avait encore un restant dedans. Et puis l'odeur est restée dans mes doigts, puis ça, vraiment, il a fallu que je le lave, le savon. Non, non, non, non. Mais c'est... Non. Donc, et l'alcool, c'est une porte qui ouvre à le mal, qui ouvre quelque chose à beaucoup de mal. Beaucoup de gens qui ont fait des grands crimes ou des péchés, sont tombés dans ces péchés-là à cause de l'alcool. L'alcool amène à la fornication, au zina, il amène au meurtre, il amène à beaucoup d'autres péchés parce qu'il t'enlève ta conscience, il enlève ta gêne. Hein. Et tout ça, c'est des choses qui te protègent. Donc quand tu l'enlèves, t'enlèves ta conscience, t'enlèves ta gêne, et bien tu peux faire des choses que tu ne ferais pas en état normal. La même chose pour la drogue. Et même que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait une fatwa dans laquelle il a expliqué que la drogue est plus dangereuse même que l'alcool. Parce qu'elle atteint pas uniquement ta raison, mais aussi ton tempérament, aussi ta personnalité. ils se changent en une autre être complètement différent. Eux ont lui-même. Parce que moi, j'ai vu des êtres aux États-Unis marcher dans les rues, et je me demandais comment des êtres avaient pu être transformés et devenir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et par la suite, j'ai compris que c'était la drogue qui les avait rendus comme ça. Ils marchent comme des morts vivants. Non, comme des morts vivants sur la terre. Donc, il y a ça. Il y a des gens qui prennent du crack, des sortes de drogues de ce genre-là. Ils deviennent une autre sorte de créature. Et amis. Il va vendre sa mère pour en avoir, il va tout faire. C'est dangereux des gens qui sont là-dessus, hein. Donc ça c'est juste un exemple. Il y avait des soufis qui utilisaient la drogue pour faire leur zikr, pour rentrer en transe. Ils utilisaient les drogues. Et puis, c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah l'avait interdit. Il y avait quelqu'un qui avait mentionné ça déjà. Donc, on les appelait même certains des Ismaïliyyins, qui les assassins, là, c'est qu'on appelle l'origine, c'est des Hashishiyyins. C'était des gens qui prenaient du Hashish. Ouais, ils sont entrés en France. C'est de là que ça vient le mot assassin. Ouais. Après le chef du wasif sahih min hadith Abi Huraira رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا وضعت الأمانة فانظر الساعة أو فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Donc الشيخ يزي من الحديث عن قطع أبي هريرة صحيح. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi les gens et il leur parlait, et un bédouin est arrivé. Et vous savez que les bédouins, une de leurs caractéristiques, c'est leur manière un peu brute. Hein? C'est des gens qui ne sont pas très racinés et pas très bien élevés en général. Des gens très basic. Donc, le bédouin, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une discussion, et ça ne l'arrête pas. Donc, tout de suite, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulullah, mata sa'a. Il lui parle pendant qu'il discute, il dit, c'est quand l'heure du jugement dernier. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à expliquer et à parler avec les gens avec qui il parle. Et parmi les gens qui étaient assis, certains d'entre eux ont dit qu'il n'a pas entendu la question de la personne. Et d'autres ont dit, oui, il a entendu, mais il n'a pas aimé ce que l'homme a dit. Alors, quand le prophète a terminé sa parole, son explication, sa parole avec les gens, il a dit où est la personne qui m'a demandé au sujet de l'heure. Alors la personne a dit me voici, alors tu me vois. Donc en même temps, il donne un petit cours de bonne manière de comportement aux gens pour leur montrer que lorsqu'une personne parle, il ne faut pas l'interrompre, il faut le laisser terminer sa parole, puis après, il peut, on répond. Donc il dit, me voici à Rasulallah. Qala iza dunya'at al-amana. Le prophète Rasul a dit, lorsque les gens vont avoir perdu al-amana, et al-amana c'est quoi? C'est la confiance. Lorsque les gens vont avoir perdu la confiance. Alors, assure-toi de tenir expansion. Et al-amana dans ce sens-là, c'est pas la seule. Oui, c'est ça. On peut vérifier ça, là. Donc, al-amana, c'est, quand j'ai dit que la confiance, qu'est-ce que je veux dire par confiance ici, là? Peut-être un frère pourra m'aider aussi pour. C'est ça. Dans le sens que, par exemple, on va dire que tu donnes à quelqu'un quelque chose à garder pour toi. Tu dis, tiens, j'ai un objet qui est très important, je te le donne, moi je m'en vais en voyage ou bien je m'en vais quelque part, garde-le pendant mon absence. Quand je reviens, tu me le donnes. Ça, c'est une amana. Ou bien je te donne une amana, c'est-à-dire, s'il te plaît, donne cette lettre à quelqu'un. Quand tu vas aller dans tel endroit, dans un pays, prends la lettre et donne-lui. Ça, c'est ce que je te dis, c'est une amana. C'est ça. Non, c'est autre chose. Amin, ça veut dire réponse à Allah. Non, mais comme Al-Amin. Ouais, ça vient de ça. Je pensais que tu disais Amin dans la prière. Quand on dit, ok, ouais. Al-Amin, c'est la personne qui est fiable, la personne à qui on peut faire confiance. Non, j'avais même pas entendu, moi. La personne à qui tu peux faire confiance, c'est ça Al-Amin. Et Al-Amana, c'est un des signes du jugement dernier quand on n'en aura plus de cette Amana. Alors, attends la fin. Le Bédouin a dit, ok, ça y va à tout ça. Comment elle va être perdue, cette Amana? Il a répondu, il a dit, إذا وفد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Lorsque les affaires vont être données à d'autres que ceux qui sont capables de donner, de s'en charger, là ça va être le signe de l'heure. C'est-à-dire, quand tu vas voir qu'une personne qui va prendre les choses en charge, elle n'est pas. C'est pas son affaire, إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. On va dire, moi, je suis pas la meilleure personne pour diriger. Ok? Mais je prends la place. Je me mets à la place et je commence à diriger les gens. Par exemple, dans la prière. Je ne sais pas comment bien je dis de la prière, mais je me mets en avant et je dis seulement l'image. Donc, c'est un exemple, mais c'est plus que ça. L'exemple du hadith ici, c'est plus en ce qui concerne les gens qui vont diriger les populations. Les juges et les dirigeants, les présidents, les gouverneurs seront pas les meilleurs pour être les dirigeants. Ils sont pas qualifiés. Oui, c'est ça. Seront pas des gens qui sont qualifiés pour diriger. ils n'ont pas les caractéristiques et les qualités nécessaires pour le faire. Et c'est eux qui vont le mettre à la place, à cette place-là. Et à cause de ça, ça va amener que les gens vont perdre l'amana dans sa race. Ben, ça fait un signe aussi. Et la raison pourquoi les gens ont plus confiance à la, le système, dans le système démocratique, personne ne considère les dirigeants, c'est parce que justement, à cause du système lui-même, à cause du système démocratique lui-même, parce que la façon dont il est fondé, la façon qu'il fonctionne, c'est jamais les gens qui sont les meilleurs pour diriger qui vont être au pouvoir. Pourquoi? Parce que déjà en partant, les valeurs, les critères de choix pour choisir les dirigeants sont faux. C'est toujours les gens qui ont le plus d'argent, même s'ils ne sont pas des gens honnêtes ou compétents. On va voir que par exemple, c'est une question d'argent aussi, parce que pour être élu, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire une campagne électorale assez bien, pour être capable d'être vu par tous les citoyens. Sinon, tu ne peux pas avoir les belles pancartes, tu ne peux pas avoir les annonces publicitaires à la radio et à la télévision. Donc, déjà en partant, même si tu veux te présenter comme candidat, et tu penses que tu pourrais être quelqu'un de bien pour faire la tâche, mais si tu n'as pas les moyens économiques pour compétitionner avec les gros partis, les grosses machines, donc oublie, tu ne pourras rien te faire élire. Et puis, pas juste ça, c'est que avant, les gens, c'était les gens qui choisissaient leurs dirigeants, mais sans élection. C'est-à-dire, ils choisissaient leurs dirigeants sans qu'il y ait une élection. C'est-à-dire, les gens qui étaient comme les Sunafa, comme Abu Bakr, radiallahu anhu, les gens l'ont choisi, mais ils n'ont pas fait l'élection pour le choisir. C'était Ahlul Hilm wal Aqd, les grands parmi les Sahaba, qui sont réunis et qui ont dit, on va donner le bay'at à Abu Bakr. Et l'histoire est rapportée dans les livres de hadith. Comment ça s'est produit, puis qu'est-ce qui s'est arrivé. Les gens étaient réunis, les Ansar s'étaient réunis, puis là ils discutaient comment ils allaient choisir le nouveau khalifa. Et puis, Abu Bakr est arrivé avec Omar, je pense, et puis là ils ont dit que cette chose doit être parmi les gens de Quraysh. Parce que le prophète a dit que Al-A'immatum al-Quraysh. Donc le dirigeant devait être choisi parmi la tribu de Quraysh et non autre que le Quraysh. Et puis, il y avait aussi que. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Hein? De quoi vous dites? Ok. Donc il fallait que les imams soient de Quraysh et par la suite, donc, ils ont donné le bay'a à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Mais ce n'était pas tout la Umma au complet, tous les Sahaba ou tous les Mu'minins qui ont donné le bay'a à Abu Bakr, mais uniquement les plus grands parmi les Sahaba. Et ça compte pour le reste de la Umma. Vous comprenez? C'est ça le bay'a. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire pour que toute la population ait dit oui, je suis d'accord avec. Que ce soit Abu Bakr. Si c'est ceux-là, Ahlul Hilm wal Aqd, les représentants, ou pas les représentants, c'est pas un bon terme, tout ça. Mais Ahlul Hilm wal Aqd, c'est-à-dire les gens les plus savants, les plus connaisseurs dans leur domaine, c'est ces gens-là qui sont plus anciens aussi dans l'islam, par exemple, des choses de ce genre, autant des sahaba et tout. Ces gens-là, c'était eux, Ahlul Hilm wal Aqd. Et donc, ils ont donné le bay'a à Abu Bakr. Pas par démocratie. Et le prophète a dit, si quelqu'un demande cette chose, c'est à lui qu'il ne faut pas le donner. Il a dit, si quelqu'un demande le pouvoir, le prophète a dit, si quelqu'un demande le pouvoir, aucun accord à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sens. C'est qu'il a dit, il ne faut pas le donner à celui qui la demande. D'accord? Et ça, c'est le contraire à la démocratie, parce que dans la démocratie, il faut te présenter. Si tu ne te présentes pas, on ne va pas te le donner. Alors, Abu Bakr, subhanallah, il ne voulait même pas être khalifa. Il trouvait que c'était quelque chose de lourd, quelque chose de très difficile à prendre comme responsabilité. Sauf que lorsque on te le donne, cette charge, tu peux la refuser. Tu dois la prendre. Et donc, lui, il l'a pris. Donc, c'est juste pour vous dire quelques exemples à pourquoi ici, dans ce système, c'est toujours les plus mal à l'air. Parce que lorsqu'ils font leur campagne, comme on voit actuellement, c'est seulement de se donner des coups bas, de chercher les défauts et les faux des autres, et commencer à se critiquer les uns les autres. Et lorsqu'un parti est au pouvoir, le parti opposant va toujours essayer de salir l'image de l'autre parti pendant que l'autre est au pouvoir et profiter des erreurs du parti pour le critiquer. Et lorsque, lors de l'élection, essayer de se faire élire encore et puis c'est comme une sorte de chaise musicale qui tourne en rond et qui ne change jamais en réalité. Parce que celui qui va partir, il va être opposant maintenant et l'autre va prendre le pouvoir et il va commencer à faire des erreurs. C'est impossible un gouvernement qui ne fait pas d'erreurs. Et là, aussitôt qu'ils vont commencer à faire des erreurs, ils vont se faire critiquer aussi. Le lendemain de l'élection, il y a déjà des gens qui commencent à critiquer le nouveau dirigeant. Et donc, c'est des exemples comme ça qui montrent que c'est absurde. Et les gens qui votent aussi, de ce point de vue-là aussi, comme ça a été expliqué par Cheikh Moussibel et d'autres, c'est que souvent le vote, il donne à tout le monde la même valeur. C'est-à-dire le vote de la personne qui est pieuse, ou pervers, ou obéissante, ou ignorante, ou savante, tu peux être un doctorat en politique, et l'autre est un illettré, ou quelqu'un qui n'a même pas son diplôme secondaire 5, mais leur vote a la même valeur dans la balance de le scrutin. Et puis aussi, ça fait que les politiciens sont obligés de se vendre, un peu comme des prostituées, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'apparaître à un groupe et de leur faire des faveurs, et d'aller à un autre groupe et de leur offrir d'autres faveurs ou les mêmes faveurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, par exemple, comme à Sunna, on ne devrait pas l'appeler Masjid Sunna, on doit l'appeler Masjid al-Bid'ah. Et allez, ces gens-là, subhanallah, à chaque fois, ils invitent les partis politiques. Mais sauf qu'ils viennent de visiter les synagogues et de visiter les juifs. Et leurs promesses, toutes sortes de promesses, puis par la suite ils viennent dans les mosquées et venir faire semblant qu'ils sont avec les musulmans, puis offrir toutes sortes de fausses promesses aux musulmans aussi. Et tout ça c'est pour acheter nos votes. Et ils ont retardé la prière de 15 minutes, yani, juste pour pouvoir parler avec Jules Duceppe, yani, subhanallah. Là c'est Jules Duceppe, je peux même pas voir son visage, tellement. Là, il s'est excusé après la prière, il est allé sur le mamba, il commençait à essayer de justifier le retard, puis de dire que nous on s'occupe des affaires des musulmans, et que donc dans ce cas-là, il faut comprendre que nous on n'est pas en train de retarder la prière pour des choses, on est en train d'aider pour le fort de la communauté musulmane. Non, il y a des gens de plus en plus maintenant, ils commencent à réaliser que les gens là-bas sont pas sur le droit chemin, là. C'est de plus en plus clair. Oui, c'est un manhaj qu'ils suivent maintenant, qui va les amener dans un chemin que seul Allah sait comment ils vont s'égarer. quand tu ouvres cette porte, quand tu ouvres cette porte, on ne sait plus jusqu'où tu peux aller dans l'hypocrisie, le mensonge et le coup. Parce que c'est basé ce système sur l'hypocrisie, sur le mensonge. C'est là-dessus que la politique ici est fondée. Donc, al-khiyana, hein, la trahison, le mensonge, l'hypocrisie, ça c'est les fondements de la démocratie. C'est la réalité. Et si eux, ils se lancent dans ça, subhanallah, même les chrétiens, hein, tu vas pas voir un politicien entrer dans l'église catholique pour commencer à dire aux gens pour qui voter dans une église catholique. Mais pour les musulmans, on laisse entrer ces kuffars pour essayer de leur faire da'wa aux musulmans ou de les convaincre de voter pour les partis de kuffar. Donc, eux, ces gens-là, à la base, ils détestent l'islam, ils détestent les musulmans, ils détestent la charia. Mais il n'y en a pas de meilleur. Non, oui. Il y a plein de coupables qui ne votent même pas. Non, il n'y a pas de vote. Même si. Et puis, c'est pas juste ça. C'est pour se baser, pour savoir lequel est meilleur que l'autre. Eux, ils disent, regarde la position vis-à-vis de la Palestine. S'ils ont une position qu'ils sont pour aider la Palestine ou je sais pas quoi, vote pour eux. Mais tout ça, c'est des jeux, là. C'est des affaires de jeux politiques. Hein, exactement, ils vont rien faire de toute façon. Hein. Exactement, on passe à autre chose. C'est comme Claire Lamarche quand ils font une émission sur l'islam un jour, puis le lendemain, ils parlent homosexuels ou de d'autres choses. On a parlé de ça, on n'a rien réglé, on n'a rien compris, pas grave, on passe à un autre sujet. C'est triste. Oui, mais j'ai 17, il ne savait même pas peut-être que c'était de la prière. Non, d'après ce que j'ai compris, ils étaient dans le bureau à l'heure de la prière. Ouais. Dans la bibliothèque en bas, assis avec les représentants de certaines mosquées. Là. Allah Musta'an, c'est tout ce qu'on peut dire. Allah Musta'an. Mais Allah il va les démasquer, ces gens-là. Eh non, Allah il va les démasquer. C'est déjà commencé maintenant, il commence déjà à le démasquer, il commence, ouais. Ouais, et ça va. Voyons pour Allah, Allah au khairul makirin. Ils font les plans, ils complotent, Allah s'en parle, ils complotent contre eux. Et Allah est le meilleur des comploteurs. C'est-à-dire, yani, subhanallah, ces gens-là qui essaient de tromper yani, Allah et les mu'minin, il va les démasquer. Il va les démasquer. Non. Et Allah s'en fait le calme tout ça. Donc ces gens-là, وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله هو كيف هذه على الجميع على طول أين هم أنت على طول في طول لي على لي أنا في مثلاً example للسائق ما في donc سبحان الله c'est juste pour vous dire que toute cette question de Sunnah, Masjid al-Mubtadi'a, Sourouliyin, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la fitna. Aujourd'hui. Hier. Et là, ils sont en train de dire que qu'est-ce que j'ai dit contre eux, c'est moi qui ai causé la fitna. Alors que c'est à la base, c'est les gens de Bid'a qui causent la fitna. C'est eux qui créent la division, parce qu'ils se détournent de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils causent la division. Donc, celui qui vient et qui dit et qui leur dit revenez à la sunna, c'est pas pour la fitna qu'il dit ça. Et celui qui dit aux gens prenez garde et soyez avertis de ces gens-là parce que ces gens-là ils ne suivent pas la voie de la sunna, c'est lui qui les avertit de cette façon dans le but de leur faire comprendre le bien et de les éloigner du mal et dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait ça dans cette intention-là, alors on ne peut pas dire que cette personne-là, elle fait la fitna. C'est gratuit ce qu'ils font. Donc, voilà, nous parlons. Non. فَتَكِنُونَ سَوَا وَدُّوا لَوْ تَكُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكِنُونَ سَوَا. Les kuffars, ils souhaiteraient que vous soyez mécréants comme eux-mêmes mécréants, pour que vous soyez tous égaux. Aussi, nous on a ce qu'il y a une autre chose ici. Non, mais c'est pas une question d'immigrants, par exemple. Regarde. Non, non. Il y a un tu vois, par exemple, les arguments qu'ils ont amenés, les arguments qu'il a amenés, Sofiane, comme par exemple qu'il voulait aider au sujet de l'application de la charia avec l'affaire de Fatima ou d'Apopin. On a déjà fait à Poignard, je crois. Après, vous pouvez continuer. Je voulais juste spécifier que les arguments qu'il a amenés, d'après ce qu'on m'a rapporté, l'affaire de Fatima ou d'Apopin au sujet de la charia. En partant, les gens qui demandaient cette affaire-là, dernièrement j'ai appris que c'est des gens, ils sont une association qui unit les chiens et les sunnites. Donc déjà, en partant, c'est des gens qui ne sont pas sur une aqida et sur un manhaj qui est correct. D'accord? Deuxièmement, la question des concepts de sécurité qui ont été émis pour Adel Chapao. Maintenant, je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent, d'après moi, vous ne connaissez même pas, qui est Adel Sharqawi. Adel Sharqawi, je le connais personnellement, on s'est assis moi et des frères haïtiens avec lui. C'est un gars qui est takfiri, c'est un takfir de tous les hukam, c'est un gars qui est djihadi, il dit que de voler et de tuer les kuffars ici et de prendre tous leurs biens et toutes ces choses-là, c'est halal et que ça fait partie du butin de guerre. Et ça, il s'est assis avec nous à Sunna plusieurs fois, et il nous a dit ça, et on était ensemble, moi, Mustafa, Abdullah, je ne sais pas si tu n'étais pas là toi, non, parce que moi, Mustafa, Abdullah et un autre frère, on était assis, et il disait ça devant nous, et là, quand il y a un autre Marocain qui s'est approché, et nous, on le réfutait, on lui disait, donc voler c'est halal, on lui disait, voler c'est halal, donc tu peux aller dehors, prendre une voiture, puis t'en aller avec. Et ça c'est halal, il dit oui, c'est permis. Et là après, quand quelqu'un est approché, il a dit, parlez plus bas parce que il y a des gens qui écoutent, il y a des questions et tout ça, des choses comme ça. Donc, c'est des gens, ce gars-là, il avait ces idées-là et il les a encore. Sauf que c'est un gars qui a une maîtrise en études en littérature française, qui a étudié au Maroc en littérature française. Et qui faisait, il m'a avoué lui-même une fois qu'il faisait partie du groupe Al-Adl wal-Ihsan, le parti Al-Adl wal-Ihsan, dont le chef est Abdul Salam Yassin, qui est un grand soufi égaré. Il faisait partie de ce groupe. Et il disait que leur idée à ces gens-là, au Maroc, c'était d'arriver à prendre le pouvoir, d'arriver à étudier dans les universités et à prendre les plus postes, les plus importants et les plus influents dans la société pour renverser par la suite le gouvernement. Et puis, que quand il est arrivé ici au Canada, il a dit non, c'était pas ça la meilleure voie maintenant. Il avait compris que c'était le djihad qu'il fallait faire. Et une fois j'étais avec lui au Métro-Parc, et puis on allait à l'Université de Montréal. Et là, il me disait, est-ce que tu dis que l'Arabie Saoudite est un pays de kouf? Est-ce que tu dis que l'Arabie Saoudite est un pays de kafir? Et là, étant donné que j'avais refusé de dire ça, il se fâchait contre moi, et puis là, il s'énervait comme si, il pouvait pas supporter. Là, il avait simplement un karaté, c'était des arts martiaux, puis même à un certain moment donné, quand il commençait à être très actif à notre Sunna. Il appelait les gens à aller dans les camps d'entraînement en Afghanistan. Et puis il disait, il faut s'entraîner pour le djihad et commencer à faire des entraînements même dans la mosquée Sunna. Et même Soufiane a participé avec eux, et c'était Adil Sharkan qui faisait l'entraîneur. Et par la suite, ils ont arrêté de le faire dans la mosquée, ils ont loué le petit gymnase qui était au troisième étage, là où il y a les condos maintenant. Ils commençaient à s'entraîner dans le petit gymnase, et maintenant ce gymnase-là, il a été fermé, ils l'ont déménagé de l'autre côté, là, le gym qui est à côté de Sunna. C'était ce gym-là avant. Et puis donc, c'est un gars qui a cet historique-là. Et que ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, dans les médias, sont en train de défendre. Ils sont en train de montrer avec un visage d'innocence, comme si il n'a jamais rien fait de mal. C'est pas pour rien qu'il a un certificat de sécurité sur sa tête. Je pense pas pourquoi ils l'ont pas donné à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils ont mis un certificat de sécurité sur lui? C'est parce qu'ils craignaient que ce gars-là était quand même une menace. Et ils ont des références, ils ont des preuves, mais ils veulent pas le dénoncer, parce que s'ils lui montrent ces preuves-là, peut-être que la personne qui a mentionné ces choses-là va être risquée pour sa vie, ou je sais pas quoi, ils ont peur que les gens se vengent sur lui. Moi, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est une possibilité, hein. Et puis même de toute façon, les ulama d'Ahl Sunna, ils ont expliqué que de dénoncer des gens comme ça, qui ont des idées de takfir et de terrorisme et de ces choses-là, c'est halal et c'est bien, et qu'il faut les dénoncer. Et que si tu fais ça, il n'y a aucun problème, parce que en même temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de salir l'image de l'islam, premièrement en faisant ces actes de terrorisme. Les détails, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai lu, c'est que les ulama ont dit que ces gens-là, il faut les dénoncer. Ouais. Ouais, mais moi, les détails que tu dis, j'ai pas lu les détails qu'ils disaient. Est-ce que tu dois le dire? Mais même dans les pays de Kofar, Wallahu a'lam, si tu as un moyen de les dénoncer, vas-y, y aller. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est une bonne chose. Si tu sais que par exemple il y a un musulman qui planifie de faire un attentat terroriste, tu dois. Et puis il faut faire attention. Et puis aussi il faut faire ça avec des preuves, pas n'importe comment, et pas juste sur des présomptions là. C'est-à-dire, quand tu accuses quelqu'un, il faut que tu le fasses avec preuves et avec que t'es certain. Comme par exemple, si tu sais que quelqu'un va faire un attentat terroriste, ou bien que quelqu'un a des idées là, de terrorisme ou de takfir ou des choses comme ça, il faut que tu fasses attention. Puis en ce qui concerne la question d'ici là, comme est-ce qu'on doit les dénoncer ici au Canada et comment on doit le faire, ça, c'est une question qu'on doit demander aux ulama aussi pour avoir plus de détails, pour savoir comment ça doit s'appliquer. Puis pour savoir aussi les règles en ce qui concerne ces choses-là, ces détails-là. Parce qu'on sait que ces gens-là, si on les dénonce ici, ne sont pas jugés selon la charia. Donc, comment on doit dire avec ça, là, ça, c'est une autre question. Donc, on va essayer de trouver plus de détails là-dessus. Mais Alhamdulillah Rabbil Alameen, donc ça nous donne quand même une idée que comment ces gens-là, j'ai remarqué, les associations des universités de Montréal, de Concordia, et plein d'autres organisations d'Ikhwan Muslimin et Mosquée Sunna, ils sont tous mis derrière ce gars-là, et pour le supporter et le défendre, et parler de lui comme si c'est un défenseur des droits de l'homme. Ah, que c'est un gars, c'est Allah qui dit que c'est permis de voler, de tuer les koufars et de prendre les femmes et tout. Dans le pays de Kouf. Comment ils peuvent aller, subhanallah, et qu'aucun musulman a mentionné quoi que ce soit là-dessus? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Donc, il y a ça. Puis, pour terminer, on va mentionner juste la dernière catégorie que le chef a mentionné, après on va arrêter. que déjà ça fait comme deux heures. On s'est éloigné quand même du sujet. Le chef dit, « وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ الْعَلَامَاتُ الْعِظَامُ وَالْأَشْرَافُ الْجِسَامُ الَّتِي تَعْقُبُ السَّاعَةِ نعم. ومنها ومما ذكر منها خروج المهدي والمسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج النار من قعر عدن ثم النفخ في الصور نفخة الفزع ثم نفخه السعف وهلاك الخلق ثم نفخة البعث والنشور وعلى كل الأمر عظيم ونحن في غفلة وقد ظهر من هذه العلامات الشيء الكثير فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا ويوفقنا ويتوفانا على الإسلام ويقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc le cheikh il dit dans les troisième catégorie, c'est les signes qui vont arriver très proche de la fin du monde, ce sont les grands signes. Et il mentionne parmi ceux-là la venue du Mahdi et le Messie Dajjal. Le Dajjal, le Messie le Dajjal qui va venir à la fin, le faux Messie. Nuzul Isa, la descente de Isa ibn Maryam des cieux, qui va redescendre. Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, c'est-à-dire la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. La destruction de la Kaaba, une grande fumée qui va sortir. Le Coran qui va être élevé. Allah va ramener le Coran à lui, on va élever le Coran, ramener le Coran, il va l'enlever de tous les cœurs, de tous les livres, et il va disparaître complètement de sa terre. Tonou al-Shamsi min Maghribiha, le soleil qui va se lever de l'ouest, ou à l'ouest, ouais. Et Khuruj al-Dabba, la sortie de la bête, Naam. La bête qui va sortir de la terre, qui va parler. Wa khurujun nar, il y a un feu qui va sortir de Aden. Un nafkhu fi ssour, le fait que Allah SWT va ordonner aux anges de souffler dans une trompe ou dans une trompette. Et là, ce sera, il y aura trois sons. Ou bien il y aura trois souffles dans une trompe. Le premier c'est Al-Faza, c'est quand tout le monde va être saisi par le premier son de cette trompe. Le deuxième c'est lorsque tout le monde va être anéanti, toute la création. Et le troisième c'est lorsque Allah Central va ressusciter tous les créatures du genre. Et le cheikh dit que de toute façon c'est un grand événement et nous on est indifférents ou insouciants de la réalité de qu'est-ce que ça implique. Et le cheikh dit qu'il y a beaucoup parmi ces signes-là dont on a parlé depuis tout à l'heure qui sont déjà arrivés. Et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous raffermir dans notre religion et de nous faire mourir sur l'islam et qu'il nous protège du mal, de ce qui en apparaît et de ce qui en a caché, de ce qui en est caché. Donc, هذا من علامات النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أمور مستقبلة مما أطلعه الله على علمه فوقع كما أخبر وهذا مما يقوي إيمان العبد. Donc voilà, et ici le cheikh il dit que ça fait partie aussi des signes de la prophétie et du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a annoncé des choses qui allaient arriver dans l'avenir, et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître, des choses du futur, et yani, la plupart de ce qu'il a annoncé est arrivé, et donc ça, ça fait partie de ce qui renforcit la foi d'un croyant. Lorsqu'on entend ça, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique parce qu'il a annoncé beaucoup de choses et toutes ces choses-là se sont produites. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.